On va prendre les voyages au voyage, à subir les petits camions, à ouvrir un manage au marché, à consommer le commerce à sa façon. Thank you.